qu'il faut que je précise que je n'ai jamais violé personne. Non mais j'ai peut-être l'air de faire une fixette autour de ce sujet, c'est vrai. Mais c'est parce qu'on me fait chier assez souvent quand je sors de chez moi, dans les bars à Metz. Toujours les mêmes crétins. Alors, vu que je tiens à sortir tranquille, c'est mieux de le rétablir. Alors je tiens à préciser que je n'ai jamais violé personne. Et puis si je l'avais fait entre nous, vous pensez pas que je l'aurais déjà raconté dans un livre ou une chanson? Vous avez vu tout ce que je raconte dans mes livres et mes chansons? Sérieusement, vous avez déjà lu mes livres? Vous avez déjà écouté mes chansons? C'est mon journal intime. Je raconte tout. Je raconte des horreurs. Mes spectacles, c'est pareil. J'ai fait du scato. Des comédies musicales, plein de caca, où je me godais avec mon micro, où je dénonçais la zoophilie, la nécrophilie, ces choses les plus dégueulasses. Je fais ce qu'on appelle de l'art absolu, sans tabou, sans brut, et qui raconte mes pensées et ma vie. Alors tu penses vraiment, hein? Tu penses vraiment que si j'avais violé quelqu'un un jour, j'aurais pas épanché ce malheur dans une chanson ou dans un livre? Abruti, abruti. Écoute mes disques. Achète mes livres. Il y a même un album qui s'appelle Plus Rien, où je raconte la fois où je me suis prostitué sous MDMA après m'être fait larguer par ma copine. Alors si je raconte mon expérience de prostitution en chanson, tu crois pas que j'aurais déjà raconter les violences sexuelles ou les viols? Abruti. Abruti. Abruti. Abruti. Abruti.